Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Gérald Larose nous raconte comment il a vécu le long conflit de travail du manoir Richelieu dans les années 80. Monsieur Larose, les journalistes vous ont-ils mal cité ou avez-vous bel et bien accusé les policiers de la Sûreté du Québec du meurtre d'un manifestant à Pointe-aux-Pics en fin de semaine, Monsieur Gaston Harvey? J'ai accusé formellement la Sûreté du Québec d'avoir tué Gaston Harvey. Le 27 octobre 1986, le président de la CSN, Gérald Larose, persiste et signe au micro de Pierre Maisonneuve à l'émission Présent. La Sûreté du Québec est responsable, selon lui, de la mort de Gaston Harvey lors d'une manifestation de soutien aux travailleurs licenciés du manoir Richelieu deux jours plus tôt. La mort de Gaston Harvey reste l'un des événements marquants de ce très long conflit de travail qui va opposer les syndiqués de la CSN à l'homme d'affaires Raymond Malenfant à la suite de l'acquisition par Raymond Malenfant du manoir Richelieu au milieu des années 80. Raymond Malenfant et Gérald Larose étaient des personnages, mais très forts, les deux. Et ça a comme polarisé l'opinion. Lorsque tu étais dans Charlevoix, ces années-là, il fallait que tu sois... Tu étais identifié. Aussitôt que tu disais un mot, tu étais pro-Malenfant ou pro-CSN. Donc, pendant un an, on a vécu ce qui était la nouvelle numéro un dans tous les bulletins nationaux, où les médias nationaux débarquaient et venaient nous voir, nous les locaux, pour se faire expliquer les tenants et aboutissants, parce que c'est un conflit qui était beaucoup plus qu'une guerre entre un syndicat puis un dirigeant d'entreprise. C'était tout c'était un conflit social, là. C'était les bases même du syndicalisme et tout ça qui était en jeu. Régent Bergeron, journaliste pour une radio de Saint-Hilarion, au moment où éclate le conflit du manoir Richelieu dans les années 80, une entrevue qu'il accorde aux médias Embauche.com en février 2010, pour revivre les temps forts de cette dure, de cette longue bataille qui a opposé la CSN à l'homme d'affaires Raymond Malenfant à l'époque. Je reçois Gérald Larose. Il était président de la CSN au moment de ces événements. Gérald Larose, bonjour. Bonjour. Merci, M. Larose, d'abord d'avoir accepté notre invitation de venir nous raconter votre version, vos souvenirs de ce long, de cet important conflit de travail du manoir Richelieu dans les années 80. Quelle place ça occupe, Gérald Larose, ce conflit de travail-là, pour vous, dans votre carrière de syndicaliste? Bien, dans mon parcours syndical, c'est quand même un moment grave pour l'enjeu là, qui était soulevé, dramatique parce qu'il y a eu un mort, mais aussi gratifiant parce que ça a été une période extraordinaire de solidarité et même, je dirais, fécond parce que ça a produit des fruits inattendus. Donc, un moment très intense, c'est sûr. Et vous en êtes où, de fait, Gérald Larose, dans votre propre carrière au moment où éclate ce conflit? Moi, j'arrive à la CSN comme président en septembre 83, au milieu de la plus grave crise là, depuis 1929. Le chômage est multiplié par deux et dans Charlevoix, c'est par quatre. Le secteur privé est cassé en deux. Les travailleurs se battent. À la CSN, on a de 7 à 8 000 grévistes. Les lois spéciales pleuvent dans le transport en commun, les chargés de cours. Il y a un environnement global qui est très lourd. Disons, les taux d'intérêt sont à 21%, les travailleurs vont rencontrer leur banquier avec la clé de l'auto ou bien de la maison. Il y a une réforme fiscale très inéquitable à Ottawa. Puis, c'est le retour de Robert Bourassa, rappelez-vous, élu sur un programme néolibéral très agressif. Il y a le rapport des trois rapports des sages qui proposent la déréglementation, l'allègement de l'État et les privatisations. Et le manoir, c'est la première privatisation qui sera littéralement donné là, à un chevalier, si je peux dire, de l'industrie. Ben, parlons-en de ce chevalier qui se retrouve face à vous dans ce long, ce douloureux conflit du manoir Richelieu. C'est Raymond Malenfant. Parlez-nous un peu de lui. Où en est-il lui-même à ce moment-là, dans son parcours d'homme d'affaires, au moment où éclate le conflit entre les syndiqués de la CSN et Raymond Malenfant? Ben, il était plutôt un hôtelier, un peu aussi dans les centres d'achat. Il avait fait un bon coup d'argent en rachetant une faillite là, de la Fédération des caisses d'entraide économique d'Alma. Bon, on disait qu'il valait 400 millions, on n'y a jamais cru. On pense que un peu comme Trump aujourd'hui, il y avait plus de dettes que d'actifs, mais il était assez peu connu. C'est le conflit qui l'a mis, je dirais, sur la map, et un peu comme dans un film western, là, il y a des bons puis il y a des méchants, sauf que c'est un western un peu à l'envers. Le méchant, c'est celui qui défend 300 femmes et quelques hommes, et puis le bon, c'est l'étranger qui n'a jamais mis les pieds dans Charlevoix, mais qui a des millions. Alors, il est rapidement devenu une star. Il a gagné plusieurs prix, homme d'affaires de la région, le prix de l'hôtellerie, etc. En fait, il est devenu une star, peut-être pas tellement pour la performance comme homme d'affaires, mais davantage comme quelqu'un qui osait, disons, résister à la CSN. Et ce conflit-là, de fait, va faire, vous parlez de chevalier, va faire de lui justement ce chevalier. Tous les hommes d'affaires sont, et femmes d'affaires sont derrière lui en disant voilà quelqu'un qui se tient debout, qui nous représente au fond contre cette force syndicale qui peut être si puissante. C'est un peu ça l'idée. Parlons des faits. Ce qui fait en fait très concrètement qu'on en arrive à ce conflit au manoir Richelieu. Faut rappeler d'abord que c'est en décembre 85 que le gouvernement québécois privatise, comme vous le disiez, le manoir, vend ses intérêts dans le manoir à Raymond Malenfant. La vente va être officialisée un petit peu plus tard, le 17 avril 86. Qu'est-ce qui va conduire dans cette transaction-là à ce cul-de-sac, à ce conflit qui s'annonce dans les mois qui viennent? Bon, d'abord, il faut rappeler que c'était une vieille institution qui datait de 1929, à l'époque là, dédiée aux familles américaines. C'était un peu l'hôtel Frontenac de la villégiature dans une région magnifique. Alors, il y a eu deux, trois propriétaires là-dedans. Le dernier, en 1975, a fait faillite. Et puis, c'est le gouvernement du Québec qui a récupéré cette faillite-là parce que c'était quand même une institution importante pour le travail dans la région. Et puis 10 ans après, le gouvernement a décidé de vendre. Et c'est M. Malenfant qui s'est présenté pour l'acheter à 555 $ et 55 sous. Il promettait d'investir 10 millions et puis que ce soit ouvert à l'année parce que avant c'était quelques mois l'été. C'était un beau projet. Le syndicat estimait que c'était un beau projet. Et dès l'ouverture, le syndicat a fait des démarches pour que le transfert se fasse comme il s'était toujours fait avec les employeurs antérieurs. Et puis, Malenfant, rapidement, a dit non, moi j'ai acheté une bâtisse, j'ai pas acheté une convention collective. Et le syndicat s'est mobilisé parce que c'était quand même une entreprise importante pour 320 familles. Alors, au milieu de l'été, le ministre du Travail, Pierre Paradis, a proposé que Raymond Mailloux, qui était une personnalité, là, disons, imminente dans la région, il avait été député longtemps, ministre, etc., essaye de régler avec les personnes. Et effectivement, les conditions étaient là pour que ce soit réglé. Je rappelle que Malenfant avait posé 4 conditions, qu'il n'y a pas de face-à-face, qu'il n'y a pas de déclaration publique, pas de manifestation, pas de pression sur les employés embauchés. Le syndicat a accepté. Le syndicat lui-même avait 2 conditions que Malenfant avait acceptées. Bon, il disait, on oublie la convention collective, tout est négociable, mais il faut reconnaître le syndicat, et puis au retour des employés, il faut que ça se fasse par ancienneté. Le problème, c'est que il s'est rien passé, c'est-à-dire Malenfant s'est rien, ne s'est pas présenté à la table de l'été, et puis tout le monde a compris qu'en fait, il avait roulé tout le monde dans la farine pour sauver la saison. Alors, c'est là que, finalement, la présidente m'a appelé, moi, à la fin de l'été, pour me résumer la situation, puis a dit, là, au plan local, on ne peut plus rien faire, il faut que ce soit la CSN qui s'occupe de ça, puis elle me donnait carte blanche. J'ai essayé d'appeler, une fois, deux fois, trois fois, Malenfant. Il n'a jamais voulu me parler. D'ailleurs, c'est le seul employeur de de tout mon itinéraire syndical qui n'a jamais voulu me parler. Alors, c'était clair que ça n'allait pas se régler au plan local, il fallait qu'on s'en occupe. Et ouais. Le dossier lui-même était assez simple, c'est un dossier de reconnaissance, comme au début du siècle, si on peut dire. Donc, on en a fait un dossier majeur en trois points. D'abord, s'occuper du monde. Parce qu'il faut rappeler que ces personnes-là, n'ayant pas travaillé, n'auraient pas d'assurance chômage, elles étaient sans le sou. Alors, on a organisé une grande campagne de soutien volontaire, le 25 sous par semaine par membre, et ça a bien marché. Deuxième élément, on a structuré une campagne d'information, alors des équipes du syndicat pour couvrir tout le Québec, dans toutes les régions et dans toutes les organisations, pour faire connaître le conflit. Puis le troisième élément, c'était de structurer la pression sur l'employeur lui-même. Alors, muscler le boycottage du manoir comme tel, l'étendre au motel universel. Donc, on a fait aller tous nos réseaux pour que les gens n'aillent plus dans ces installations, qu'ils aillent ailleurs pour tenir leur réunion. Bon, évidemment, la réponse à tout ça, ça a été une pluie d'injonctions. On en avait déjà, là, mais disons, on en a eu davantage. Ouais. Une bataille importante pour deux raisons. D'abord, l'enjeu, c'est toute la question du transfert d'une convention collective quand il y a un passage d'un propriétaire à un autre. Donc, c'est protéger ses employés qui étaient... Donc, ça, c'est un enjeu fondamental dans la vie syndicale, ce qui fait que vous décidez, donc, à l'automne, vous dites, sur le plan local, il n'y a plus rien à faire. Il faut qu'on prenne ça en main. Non seulement il faut qu'on le prenne en main, mais qu'on en fasse vraiment une bataille publique importante parce que l'enjeu est important. Puis la bataille qui est longue et dure, vous frappez sur tous les fronts parce que vous avez devant vous quelqu'un d'assez impitoyable qui ne veut pas du tout céder. Et ça va conduire, Gérald Larose, puis parlez-moi de ça quand même, à des actes de saccage, de vandalisme à partir de l'été 86. Il y en a pour quelques centaines de milliers de dollars à l'époque. On parle d'un premier épisode où il y a du déversement de bleu de méthylène dans les eaux potables, des actes de vandalisme au manoir. Puis ça recommence à la mi-octobre 86. À ce moment-là, la police arrête un peu plus de 70 syndiqués du manoir, certains de leurs sympathisants aussi, en lien avec d'autres actes de vandalisme. Comment vous expliquez, avec le recul, cette, j'allais dire, violence, en tout cas ces actes de saccage et de vandalisme à l'époque? Pourquoi l'intrusion des 61? C'est parce qu'il y avait eu 4 démarches pour ouvrir la négociation. Rien ne s'était passé. Le dossier était bloqué. Alors, c'est sûr qu'il y a eu du bris matériel, mais je pense qu'à l'époque, on voulait que les gens se rendent compte que la violence, la première, c'était d'abord la violence économique, psychologique, sociale, faite sur 300 femmes qui étaient là depuis toujours, bien avant l'enfant. Et puis en plus, disons, il y avait de la provocation sur la ligne de pitage. Lui, il arrivait en Rolls-Royce ou en Mercedes. Apparemment, il y en avait une douzaine. Et puis, il ne gênait pas pour dire que de toute façon, c'est des personnes âgées. C'est pas très accueillant dans un beau manoir. Et puis, elles n'aiment pas travailler à l'année longue. Elles aiment plutôt le chômage l'hiver, etc. Donc, les gens là étaient un petit peu insultés. Et c'était des femmes qui étaient dignes, qui étaient, disons, déterminées. Puis elles fonctionnaient, elles, visière levée. Donc, elles ont décidé de rentrer dans le manoir en étant d'accord d'avance qu'elles allaient écoper. Mais pour elles, il n'était pas question de se faire piler sur la tête par cet employeur-là. Oui. Et en bout de ligne, en fait, elles n'avaient rien à perdre là où elles étaient rendues. Oui. Une semaine après cet incident, donc du mois d'octobre dont on vient de parler, il y a vraiment un pivot, un moment important, une manifestation d'appui aux ex-employés du manoir qui tourne mal. Le conjoint d'une ex-travailleuse du manoir, Gaston Harvey, meurt à la suite de l'opération policière qui est enclenchée au cours de cette manifestation-là. On écoute à ce sujet le témoignage de la veuve de Gaston Harvey, Janine Desbiens, à l'émission « Tout le monde en parlait », diffusée en juin 2007. Il y avait les poignets bleus, il y avait... Il était tout déshabillé, puis il était... c'était pas beau. Mais quand j'y repensais par la suite, là, il y avait des bleus dans le visage, il y avait des bleus sur les bras, sur les poignets, c'est sûr, là. S'il y a une déclaration dont je suis encore fermement convaincu, de son aspect tout à fait judicieux, c'est celle-là. J'accuse la Sûreté du Québec d'avoir tué Gaston Harvey. Alors, je me suis dit, alors, ça, il faut que je m'organise pour qu'il ne puisse d'aucune manière enterrer cette bavure. Alors, je me suis forcé pour trouver les mots justes. Je n'ai pas parlé de meurtre, je n'ai pas parlé d'assassinat, j'ai même fait venir un dictionnaire pour être sûr de mon mot. Ils ont tué Gaston Harvey. On vient de l'entendre le 26 octobre 1986, au lendemain de la mort de Gaston Harvey. Vous accusez Gérald Larose, la SQ, d'avoir tué Gaston Harvey. C'est pas rien. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette déclaration choc ce jour-là? Je dirais l'élément déterminant, c'est le fait d'avoir fait l'autopsie en pleine nuit contre les règles qui étaient prévues. Alors, les autopsies à l'époque devaient se faire dans l'Institut médico-légal et en présence d'un représentant de la famille. Alors, quand je suis arrivé, moi, le dimanche matin, et que sur le tarmac de l'aéroport, le salarié m'informe que ils ont fait l'autopsie dans la nuit en faisant venir un coroner puis un pathologiste dans la nuit, et qu'ils ont fait une conférence de presse à l'heure. J'avais envoyé le salarié couvrir la conférence de presse. Il me revient en me disant, ils ont dit que Gaston Harvey les avait agressés, qu'il s'était protégé et qu'il était en état d'ébriété, il était tombé, etc. Et puis, alors, là, j'ai dit non. Et puis, ils n'ont rien dit que sur la question d'avoir fait l'autopsie la nuit. J'ai dit là, non. Là, ils veulent cacher une bavure. Il faut que je trouve les mots pour que cette chose-là ne s'arrête pas là. D'où la déclaration. Alors, on a fait faire une deuxième autopsie, pas au Québec, parce qu'il n'y avait aucun pathologiste qui voulait reprendre l'autopsie. En Ontario, on a eu une deuxième autopsie qui contredisait la première. Et le juge sans façon, qui était le responsable de l'enquête, en a fait faire une troisième, qui a conclu qu'effectivement, Gaston Harvey est mort sous une prise de coups de la police. Donc, je n'ai jamais voulu qu'on poursuive la police. Mais il y avait là une bavure, il fallait que ce soit su que c'était une bavure, et d'ailleurs ça a donné des changements dans les manières d'opérer de la police. Et puis je vous dirais que ça a eu l'effet aussi bénéfique que tout de suite le premier ministre m'a appelé pour dire il va y avoir une enquête, oui. On va nommer un médiateur spécial, donc ça a fait bouger les choses. Bonsoir, mesdames et messieurs. Trois employés permanents de la CSN ont été accusés en début de soirée d'avoir comploté en vue de commettre un attentat à la dynamite il y a deux semaines au motel universel de Chicoutimi, qui appartient à Raymond Malenfant, le propriétaire du manoir Richelieu de Pointe-au-Pic. Deux d'entre eux sont aussi accusés d'avoir commis l'attentat et un quatrième est détenu incommunicado pour interrogatoire. Gilles Morin résume d'abord les derniers événements. La Sûreté du Québec a frappé un grand coup qui ébranle la CSN. Quatre employés permanents ont été arrêtés dans la région de Québec la nuit dernière. Ces arrestations sont reliées au conflit qui oppose la CSN à Raymond Malenfant. Trois des suspects ont comparu en fin d'après-midi. Arsène Henry, un permanent de la CSN à Montréal, est accusé d'avoir eu en sa possession 22 bâtons de dynamite. En outre, Henry est accusé de complot et de participation à l'explosion au motel universel de Chicoutimi le 23 mai. Gérard Thériault de Shawinigan est accusé d'avoir comploté et participé avec Arsène Henry à l'explosion au motel universel, propriété de Raymond Malenfant à Chicoutimi. Guy Boisvert, conseiller syndical de la CSN à Pointe-au-Pic, est accusé d'avoir comploté avec Marc Boivin en vue d'un éventuel attentat à l'explosif au manoir Richelieu. Ce qui trouble davantage les militants de la CSN, c'est le sort réservé au quatrième suspect, Marc Boivin, un permanent de Québec. Il n'a pas encore comparu. Peut-être le fera-t-il demain ou lundi. Les policiers laissent entendre que c'est lui qui s'est mis à table, ce qui laisse ce soir bien du monde perplexe à la CSN. Extrait d'un reportage au téléjournal du 5 juin 1987. Le 23 mai 87, une bombe explose au restaurant Le Bordelais du motel universel de Chicoutimi. Au début juin, donc, 4 personnes sont arrêtées en lien avec cette affaire, vous venez de l'entendre, dont Marc-André Boivin, un salarié de la CSN. Ça jouait drôlement dur à la CSN en 87, Gérald Larose. Quelle leçon vous tirez de cet épisode-là, avec le recul, de cet épisode du conflit du manoir Richelieu? Bien, c'est sûr que quand on fait la découverte d'un salarié, là, ce Boivin, qui est aussi un salarié de la branche subversive du SRS, hein, qui est la CIA du Canada, on tombe de haut. C'est James Kelleher, qui était le solitaire général du Canada à l'époque, là, qui nous précise que branche subversive, ça veut dire la cellule des coups fourrés. Et que lui, Kelleher, il voulait que ça disparaisse. Il nous précise également qu'avant d'être salarié de cette branche, depuis 1984, Boivin était à la GRC. Alors, il y avait un agent provocateur dans nos rangs. Oui. Est-ce qu'il y en avait plusieurs? Alors, rapidement, on a fait une enquête interne. On n'en a pas trouvé d'autres, mais on a remonté tous les dossiers de Boivin. Le bleu de méthylène dont on a parlé tantôt, c'était lui. Il y a eu d'autres coups fourrés. Il a compromis des salariés de la CSN, mais aussi des militants dans d'autres conflits. Rapidement, à l'intérieur de la CSN, on a resserré le fonctionnement pour que semblables dérives ne se produisent plus. Alors, avec le recul du temps, je pense qu'effectivement, nos règles étaient trop... je dirais, il n'y avait pas suffisamment de surveillance sur les différentes opérations. Et une violence, au fond, c'est ce que je comprends de votre réponse, qui a nuit sciemment à la CSN elle-même. Un mot sur la voie judiciaire. Ce conflit-là va, au fond, se terminer en Cour suprême, ni plus ni moins, en décembre 88. La Cour suprême, dans un jugement qui touche pas spécifiquement le conflit au manoir, mais qui touche l'enjeu au cœur du conflit au manoir, la Cour suprême, au fond, donne raison à Raymond Malenfant. Ça a dû être un très dur coup pour vous, ce jugement de la Cour suprême. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi vous perdez? Le mouvement syndical, en fait, perd-il en Cour suprême? En fait, dans la jurisprudence, l'interprétation majoritaire et dominante de l'article 45 définissait l'entreprise comme un ensemble d'éléments dont les salariés étaient la composante substantielle. Alors, l'entreprise n'était pas seulement de la brique ou du marché, c'est un tout. Et indépendamment de ce qui se passait dans la transformation de la structure de propriété, les droits et obligations à l'égard des salariés se transmettaient de l'un à l'autre. Bon, il y avait aussi un courant minoritaire, beaucoup plus restrictif celui-là, surtout dans les cas de la sous-traitance. C'est ce courant qu'a choisi la Cour suprême, en argumentant que dans le cas du manoir, la transaction, elle ne s'était pas faite directement de la famille Dufour à Malenfant, mais il y avait un tiers qui était le gouvernement, qui lui était propriétaire du bâtiment. Et donc, Malenfant, pour la Cour suprême, n'a pas acheté une entreprise, mais a acheté un bâtiment. Alors la Cour suprême, vous savez, ça a un peu l'art des entourloupettes. Là, on connaît ça dans la langue. Et finalement, nous n'avons pas grandi en Cour suprême. Évidemment, ça a été une très, très vive déception. Gérald Larose, président de la CSN de 1983 à 1999, professeur associé à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal. Ça a été un plaisir de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup, M. Larose. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.